Alastair Sin, de groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur Arcuset 95 FM! Eh bien, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM. Alors, Sylval, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va, je passe un très bon week-end. Oui. Super bien, comme d'habitude. Voilà. Et toi, Slasher? Oui, ça va très très bien. Voilà. Donc, tu vas un peu nous raconter un petit peu ton aventure loup blasienne, on va dire ça comme et ça. Oui. Et métallicienne aussi, peut-être. Oui, vendredi soir, j'étais avec des amis au Red Studio à Douai. Oui. Donc, il y avait une tribute Metallica. C'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. On va dire qu'il y a des morceaux qui a très très bien chanté. Il y a des morceaux qui a... Ben, c'est difficile à Metallica à chanter quand même. Il y a des morceaux que ça déraillait quand même. Bon, peut-être une appréhension aussi, ou... Je connais pas bien la tribute. Je connais une autre tribute de Metallica, qui est à peu près, j'ai un autre âge, que là, c'est des jeunes. Là, c'était des jeunes qui se lançaient à la Metallica, ouais, quoi. Sympathique, mais peut-être un petit coup de timidité, je sais pas. C'était de la timidité, peut-être... L'appréhension, il y avait du monde, c'était noir de monde. Noir de monde. Ouais. Ben, c'est bien, parce que bon, c'est un peu rare quand même d'avoir comme ça des tributes, où il y a... Enfin, tu sais bien, moi, ma façon de penser sur les tributes, oui. Hein. Ah oui, on en a déjà parlé. Mmh. Bon, c'est vrai que c'est chacun son avis. Après, sur les tributes, bon, moi je trouve que bon, c'est pas mal. Hein. Mmh. Moi, j'aime bien, ouais. Personnellement. Puis bon, on passe une bonne soirée, quoi. Voilà. Moi, j'aime bien Metallica. J'avoue, c'est un groupe que j'aime bien. Mmh. Et après, donc, son goût, hein. Ouais, tempo, pas... bon. Non, non, j'aime bien Metallica, mais l'ancien Metallica. Les tributes, bon, c'est un peu difficile pour moi. Et alors après, donc, dimanche... Après, je me suis présenté à Lute Blast. Donc, j'étais voir Lute Blast au Splendid de Lille. Oui. Donc, le premier groupe, tu vas me faire rappeler... Lumberjack. Ouais, c'était ça. Et moi, j'ai bien aimé. Personnellement, j'ai adoré. Mm-hmm. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais. C'est parce qu'on peut pas tout acheter, j'ai racheté l'album. Franchement, j'ai bien aimé. D'accord. Bon, le deuxième groupe, ben, chacun son avis, voilà. Et Lute Blast, ben, toujours idem à lui-même, son public, sa fidélité, sa gentillesse à Stéphane. Stéphane, qui était en plus en territoire. Hein. Ouais, bah oui, c'est un Lillois. Hein. Voilà, donc... Un Lillois qui a su arriver avec son groupe, hein, comme quoi... quand on veut, quand on même, peut. Hein, ouais. Voilà. Enfin, pas toujours quand on veut, mais il suffit d'avoir un coup de chance. Un coup de chance, et puis bon... Une bonne étoile aussi. Et ne pas baisser les bras, parce que, voilà. À mon avis, ils ont dû avoir des... Je pense qu'il a persisté à fond, lui. Hein. Parce qu'il y en a qui baissent très vite les bras, ouais, et puis ils ont le potentiel. Hein. Entre deux, j'étais au bar, papoter, boire un coca, tout ça, mais il était là, hein. Il peut peut-être les gens, pas de soucis. Eh ben c'est bien tout ça. Slasher, en forme? Oui, très très bien, et toi? Bah oui. Alors on va se retrouver tout à l'heure donc pour des plein de chansons, les chansons de Sylval, la Slasher Song, et bien entendu la balade crapuleuse. Avant ça, on va s'écouter Crystal Viper avec I Fear Not Evil, extrait de l'album Queen of the Witches. We'll be right back. Voilà, donc c'est I Fear No Evil, extrait d'album Queen of the Witches. C'était Crystal Vampire. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est bien. Ça bouge oui, bien. C'est très très bien. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est un style que j'aime bien. C'est un petit power, super ouais. Sympatoche. Juste avant de retrouver un de tes titres, on va d'abord s'écouter encore une nouveauté. Bah, de toute façon, c'est pratiquement ça. Je tiens aussi à dire que, bon, c'est vrai que ça vous paraît énorme. On dit souvent beaucoup de nouveautés. Mais il faut savoir aussi qu'on reçoit énormément de CD, que ce soit en Onyx, en téléchargement ou quoi. Et c'est vrai que soit vous ne connaissez pas, ou difficilement connaître les groupes, mais il faut savoir que dans leur pays, soit que par exemple en Roumanie, je prends l'exemple de la semaine dernière, on a joué Gothic, c'est des groupes qui ont pratiquement entre 10, des fois, voire 15 ou 20 ans d'existence, mais ils ne percent pratiquement pas, ils font pratiquement pas de tournée hors peut-être leur pays ou alors aux États-Unis, mais très peu en France ou en Belgique. Mais ils ont quand même des albums à leur effectif, donc c'est des groupes généralement qui ont quand même du taf derrière eux. Oui, exactement. Voilà, As Do Tears Fall, c'est le groupe avec Léviathan. Ça me rappelle même un film qui était pas mal à l'époque, Léviathan. Et on va s'écouter cet extrait, Léviathan, et cet extrait de l'album The Pure Strength of Bozarkor. Et on se retrouve tout de suite après pour un titre de Sylvel. C'est parti. Fall Leviathan. On en profite aussi pour faire un petit coucou à nos amis qui nous regardent. Salut les potos et les potos. Salut à toi, Vakren. Si tu nous écoutes, salut à toi. Emma. Emma, Eva, l'Argentine, voilà, salut à vous tous les amis. Ah oui, il y a Sylvia. Sylvia, tout le monde nous écoute, tout le monde nous écoute. Et aussi Phil de Charleroi. Alors, Phil, on l'aime bien. Voilà, et aussi Agnès, enfin tout le monde. On aime bien tout le monde. Ouais. Si on doit dire tout le monde, bah, on va passer l'émission à dire ça, tout le monde, bonjour. Bonjour. Bah, ils peuvent nous dire bonjour sur la page, il n'y a pas de souci. Et laisser des commentaires. Si vous avez une question ou autre, on répond entre deux. Tout à fait. Et justement, maintenant, nous allons passer à ta... Enfin, c'est pas la Sylvain Song, c'est, non, c'est une chanson que t'as choisie. Voté ou autre. Donc moi, j'ai choisi le groupe... Oui, oui, j'y suis. Invisible Mirror, avec le titre Strike Back. J'ai mon cahier chargé. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est un groupe suisse. Encore des Suisses. C'est encore des Suisses. Les Teutons. La Suisse, hein, voilà. Ils ont deux albums. Effectif. Ouais, voilà, effectif. Bon, c'est connu sans l'être. Bon, je pense que dans leur pays, c'est bien connu. Ah oui. Bah, les Suisses, généralement, ils tournent un petit peu chez eux, on va dire. Et puis après, il y a certains qui ont la chance de... Pouf. Ouais, voilà. Mais je pense qu'au niveau de la Suisse et au niveau des frontières, ça doit être bien connu de ce côté-là. Ouais. Nous, peut-être qu'on bloque un peu au niveau... Enfin, ça dépend. Hein. Il y a des gens qui sont bien calés en nouveauté. Mais comme je dis toujours, on ne peut pas tout connaître. Tout à fait. Non, ce n'est pas possible. Puis il y en a, ils percent plus que d'autres. Ouais, on va citer comme on a joué du Gotthard, par exemple, ou de la chance de... On regarde même les petites japonaises, là, les baby metal. Les baby metal, oui. Ben écoute, moi j'aurais jamais cru, tu les avais mis en plus en nouveauté. Ouais, oui. Et hop, ils ont été au Download, quand même. Download, Slasher... Elles ont fait pas mal de tournées européennes, là. Oui, elles ont même leur garde du corps, elles ont même des fois déjà leur poupée à leur effigie, pour te dire. Donc, mais je crois que c'est hyper connu au Japon hein, ça. Ouais, mais en plus ils sont fans hein, au Japon ils sont fort métalleux hein, par rapport tout à fait. Le Slasher d'ailleurs il va avoir les ça s'appelle les pop baby metal, il en parlera même une fois, on en parlera des pop parce qu'il y a un pop, il viendra une fois ici, on parlera un peu du pop Lemmy, si vous êtes fan de Lemmy, achetez parce que ça va vite grimper. Oui, voilà. Ouais, si c'est vrai, mais enfin pour en revenir à ça, donc des fois le groupe il fait un bond, puis voilà, il y a de la chance. Hein. Tout à fait. Donc le groupe, je reviens sur le nom, c'est Invisible Mirror. Oui, alors il y a Vaken qui nous pose la question, c'est lui qui fait un concours, je ne sais pas ce qu'il va nous offrir. Quelle est la couleur de tes chaussettes? Eh bien, Les chaussettes à qui? À Vaken, donc à mon avis, il n'a pas de chaussettes, il est en tongs chez lui. Donc, par contre, tu as des pieds poilus. Allez, on rigole, on va s'écouter. Je dis ça comme ça. Allez, on va s'écouter donc ton titre. Donc, Invisible Mirror avec le titre Strike Back. C'est parti. Good job. Et voilà. Et voilà, donc c'était Invisible Mirror avec le titre Strike Bike. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez le retrouver sur le podcast ou dans la liste. Tout est renoté. Voilà. Et ça sera fait avant minuit, normalement. Si je ne me transforme pas en loup-garou d'ici là. Oui. Alors, on a le problème de chaussettes de Vaken. Alors, nous avons Phil qui dit peut-être qu'il a des chaussettes rouges avec du jaune et des petits pois dessus. Mais ce n'est pas à la Dorothy Peach qu'on connaît. Dorothy Peach, elle met des chaussettes en cuir. Voilà. C'est l'humour qui vole un peu de partout. Alors, on retrouve... Et aussi, il y a Guillaume qui nous fait un petit coucou, donc salut Guillaume. Voilà. Ouais. Bah, c'est... Guillaume, il vient de découvrir, il est content. De Rammstein, à voir. Voilà. Oui. Même Guillaume. Guillaume Cardier, oui. Moi aussi, j'aime bien Rammstein, j'avoue. Si j'ai bientôt on est bien passé, hein, d'ailleurs. Je le sens bien aussi. Voilà, et eh ben c'est bien. La Rammstein famille... qui passe au Grass Pop le vendredi. Hein, tête d'affiche du Grass Pop. Tête d'affiche et aussi au cinéma bientôt. Oui. Oui, il passe au cinéma. Je ne sais pas, Guillaume, de où il est. S'il est pas Guillaume, ici. Il est de Clisson, tout près du Hellfest. Ah, pas oui. De Clisson, mais de Nantes. Bon, il y aura aussi. Les salles de cinéma, il y aura un live de Rammstein. Voilà. Oui, dans toute l'Europe apparemment. Voilà. Dans toute l'Europe et toute la France, diverses salles. Regarde sur le lien. Mm-hmm. Il y a certainement une salle près de chez toi que ça passe. Ah, voilà. C'est sûr et certain. Parce que nous, on en a plein. On a l'Homme, on a Moucron. Il y a plein de salles en France. Partout, partout. Donc regarde, partout. Tu pourras les voir. Voilà. En plus, il a l'air d'être super bien fait. Ouais, ça a l'air d'être bien. Ah, bah c'est du Rammstein. On connaît même quelqu'un qui était... qu'on a en commun, je crois, qui ah m'a oui, dit... Ah bah oui, lui a tout fait les Rammstein. Ouais, donc qui était. Alors, maintenant, on va pas parler de Rammstein, mais on va parler de la Slasher Song, et c'est quoi, aujourd'hui? Alors, je choisis justement un groupe qui vient en festival, donc vous pensez quoi, à peu près, vous pensez à quoi? Quel groupe qui vient dans un festival? Stéphanie de Monaco. Non, je rigole. C'est possible. Non, je rigole. Bah, moi, je le sais, donc je peux pas le dire. Il vient en Belgique. Il vient à l'Alcatraz? C'est général... Panthère. Non, c'est généralement en août. À la 4 as. Non. Au Locker's Fest. Ah, Marilyn Manson. Tu as eu raison. Oh, c'est bien. Donc, on va s'écouter justement une chanson de Marilyn Manson. Ben, parce que j'avais envie de passer. Oh, c'est bien. Voilà. Et aussi parce que, justement, il vient au Locker... Ouh là là, il résonne l'oiseau. Fest. Oui, au Locker's Fest 2017. Ouais. Donc, c'est bien quand même. Marilyn Manson. Hein, oui, Lokeren en Belgique. Donc, que dire sur cette affiche? Déjà, il y a Marilyn Manson, ouais. Alice Cooper, ah oui. Ah, que j'ai envie de voir, mais qu'on a déjà vu au Hellfest, hein, ouais. Qui était un super bon show en tombée de nuit, donc c'était bien. Et Megadeth. Voilà, ah. ça, voilà. Encore ça, c'est... une petite claque, bah, hein, on va se prendre une petite claque. Moi, j'espère voir Alice Cooper parce que je l'ai vu en vitesse et que j'avais pas tout. Moi aussi, mais je l'ai vu en vitesse. Quand j'ai vu tout ce que j'ai à faire signer, il va tomber par terre, notre cher ami Alice Cooper. C'est vrai que j'avais oublié que j'étais autant fan d'Alice Cooper en étant plus jeune. Ouais. Enfin maintenant, je suis toujours fan, hein, je rassure tout le monde, j'adore Alice Cooper. C'est pour ça que... Très gentil personnage, très petit par monsieur contre, Fournier. J'ai une surprise. Ah oui, mais bon, ah, oui, Vincent petit Fournier. Mais grand monsieur. Petit mais grand, exactement. Il sait d'où il est, d'où il vient. Je pensais jamais qu'il était petit comme ça. En taille. Ouais, mais je veux dire, il sait d'où il vient, comment il est arrivé là, et super et gentil, d'où il est revenu. Agréable. Il prend le temps d'écouter. Malheureusement, je suis arrivée qu'il y avait eu une vague d'attentats, on va dire malheureusement, sur Bruxelles et il y avait l'hélicoptère qui tournait. Beaucoup d'armées, il y a eu peur. Il a dit, je peux pas faire de photos. J'ai mes gardes du corps avec moi, je ne peux pas. Mais il sait d'où il est, d'où il revient. Il a pris le temps d'expliquer, de dédicacer quand même certaines choses. Ouais. Il a quand même pris le temps et souriant. Ouais. Bah d'ailleurs, on le voit sur les photos qui est hyper Monsieur souriant. Fournier, voilà. On a pu le prendre en photo, mais pas de photo avec les gens. Ouais. On verra bien. Déjà, les accrèdes, elles commencent à partir. C'est bien, on verra bien d'où ça. Alors, tu as choisi quel titre? Donc, j'ai choisi le titre Antichrist Superstar, qui était, on va dire, une période de crise de Marilyn Manson. Déjà, Marilyn Manson, qui est une personne, ça va, mais faut pas la faire chier, même parfois quand elle est énervée. Cette personne pète un peu à plomb, elle veut... un chauffage pas trop chaud ni trop froid à 17 rockstar, degrés. Hein. Ça joue. Hein. Ça chante. Parce que... Mais il joue ouais. aussi oui, en même il temps. Joue aussi, oui. Il joue un peu de sa et notoriété, beaucoup même. Oui, oh, mais aussi, quand, même en même temps, hein. Quand on a un peu étudié ce qu'il a eu pendant son enfance, c'était pas très top. Encore se faire violer par ses grands-parents, bon. Son père qui avait fait le Vietnam, et d'un côté, après, ça a une répercussion fatalement. Donc du coup voilà, c'est pas très bien d'avoir ça pendant son enfance. Et en fait, un truc qu'il avait fait, ce qui était marrant, il travaillait dans un genre de truc de webzine, un peu comme nos copains Vaken, voilà. Et il avait écrit son premier groupe, donc c'est Marilyn Manson, mais ça avait un autre nom. Et justement, il avait écrit « J'ai découvert le plus gros groupe du monde, voici ce groupe ». Et il s'est fait passer, en fait, pour dire genre « Je connais pas ce groupe, découvrez-le », tu vois. D'accord, ok. C'est un peu... Alors, on va s'écouter ton titre, alors, Slasher. Donc, c'est Marilyn Manson, Antichrist Superstar. C'est parti. Alors, c'est le Slasher sur RQC 95 FM, sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma Slasher Song. We'll be right back. Alors voilà, Slasher, donc c'était Marilyn Manson avec Antichrist Superstar, que pour lui, ben, comme je le disais, c'était une période un peu, voilà, un peu chaude entre les relations avec des satanistes, les rails de coke, la bisexualité qui démolissait tout, voilà, voilà. Voilà, enfin bon, il y a aussi beaucoup de oui. Il y a aussi beaucoup de rajouts de médias qui sont là aussi pour oui. attiser un peu le feu. Hein. Notamment, je mais me rappelle aussi. Ça ramène du people, mmh. C'est clair. Je me rappelle à un moment donné qu'il y avait des jeunes qui m'arrêtaient en me disant Eh, tu sais, Alice Cooper, il écrase des poussins avec ses pieds c'est sur scène. Mais non ouais, c'est ça. Ou alors, il s'était arraché des côtes pour mieux. Soi-disant faire une fellation. Allez, arrêtez les conneries, quoi, les amis. Oui. Voilà quoi, donc et mais tu vois par les. Par contre, une bonne nouvelle sur lui, il va tourner dans un film d'horreur. Mais une série. Hein. Qui a l'air d'être super et une série aussi, mmh. il est devenu du côté acteur. Oui. Je crois que là, il pourra bien s'en sortir aussi. Ah, oui, quoi. Oui. Par contre, bah, moi, déjà, musicalement, il s'en sort bien. Par contre, moi, j'aimerais bien, franchement, quand même faire une interview de cette personne. Ah oui. Pour lui poser. Vous parlez de qui là Marilyn Manson. Alice Cooper, parce que. Non, Marilyn Manson. Là, on aimerait bien faire une interview des deux. Ça, c'est les deux, c'est sûr, mais Marilyn Manson, parce que j'ai envie de poser une question déjà. Pourquoi alors, avec. C'est vrai que. Non, mais pourquoi avec. Pourquoi avec Trent Reznor, ils ont enregistré leur premier album tout simplement dans la villa où il y a eu vraiment le vrai massacre donc, de la femme de Roman Polanski, donc de Sharon Polanski, qui a été massacrée par l'équipe de Charles Manson à l'époque, qui était enceinte de 8 mois. Ils ont enregistré, ils ont mis le studio là ou dans la pièce où elle s'est faite assassiner. Ouais. Il est assez glauque, lui aussi. Donc, c'est pour ça que j'aurais bien posé cette question. Maintenant, à mon avis, je prendrais peut-être un coup de pied au cul, c'est sûr et certain. Et tu sais pas pourquoi John Favre y est parti? Je sais pas, mais c'était à la période Personal Jesus, Jesus, etc. La reprise. Justement, une reprise. Mais à mon avis, John Favre est quand même un peu plus carré quand même que lui, à mon avis. Lui, je crois qu'il doit, à mon avis, en tenir une bonne couche. Quoi. Même si musicalement, moi, ce que j'aime bien chez Manson, et je le dis et je le re-signe encore, c'est toutes ces. Les reprises qu'il fait, elles ont vraiment. Il redonne une deuxième vie aux chansons comme Sweet Dreams, Personal Jesus ou des choses comme ça. Il arrive à rapporter, à ramener un peu une nouvelle âme. Ça, il arrive vraiment bien à le faire. Alors, on va s'écouter une nouveauté encore une fois. C'est Ex Deo. Oui, je sais, je mets de Ex Deo. Non, je mets du Deo, mais non, mais c'est. Ah, le groupe s'appelle Ex Deo. L'album s'appelle The Immortal War. Je vous le conseille. Et je crois que ça pourrait vraiment faire plaisir à notre ami Vakian, ce genre de musique. Et aussi à Agnès et à Yannick. Et on va s'écouter le titre Crossing of the Alps. Voilà, c'est nouveau, c'est tout frais et c'est du lourd. sacred, but the grace of my ancestors. I am an enemy of sin, pillar of God. My hands are frozen, but my soul's on fire. The cold is my shelter, with me it's alive, but my body is dying. Lift me again from the sounds of wisdom, to the sounds of destruction, to the sounds of hatred that will make me reborn. I will rise from the dust of glory. Sincèrement, je vous conseille cet album, c'est The Immortal War, le titre de l'album. Le groupe, c'est XXDO, et c'était Crossing of the Alps. Franchement, j'aime bien. C'est vraiment un arrangement musical là-dedans, ouais. Les claviers dans le fond et tout ça. Tout l'album est dans le même acabit. Et ça représente un peu la conquête d'Alexandre le Grand. On a sa conquête en Espagne. Mm-hmm. On a donc dans les Alpes, quand il a traversé les Alpes avec des éléphants et tout ça. Et franchement, c'est vraiment, vraiment bien foutu. Alors, je rappelle l'équipe parce qu'on me demande de qui est-ce qui parle, qui fait quoi. Il y a Sylva, le slasher et moi-même. On est à trois. Voilà. Pour l'émission Rive d'Enfer. Voilà. Sur RQC. J'espère avoir répondu à Mathieu qui vient nous découvrir aussi. Qui, lui, par contre, est plutôt fan d'Indochine. Voilà. Mais enfin, on nous écoute aussi. Cette personne qui demandait c'est qui qu'on entend, c'est ça ? C'est ça, oui. Donc c'était Marilyn Manson. Ouais, et oui, juste, Antichrist Superstar. Et là, maintenant, voilà. C'était XDO. Alors, maintenant, voilà. On retrouve... On retrouve une nouveauté. Donc, c'est Zombie Motors Wrecking Yard. Mmh. Il est long, le titre du groupe. J'imagine en fin de soirée. Ils étaient... Ouais. Zombies... Ouf, ça doit être beau. Ouais. Bon, c'est leur choix après. Hein. Mmh. Bon, voilà. Donc, le titre, c'est Green, The Green Dare. Et c'est un groupe australien. Donc, c'est tout bon, récent. Hein. Ils font du bon en Australie aussi. C'est du stoner, hein. Ouais. Ils font du bon. Peut-être que maintenant, nous, on a noté Zombie Motor Working. Peut-être que maintenant, ils utilisent peut-être des abréviations à ZM. Je me demande, moi, si c'est pas Zombie Motors Yard qu'ils n'enlèvent pas quelque chose. Je sais pas. Faudrait leur demander en personnel. Je sais pas, parce que je vois qu'on peut leur envoyer un message privé sur leur page. Mm-hmm. Bon, après, c'est leur choix. Hein, ouais, moi, si ils aiment bien un long titre comme ça... Voilà quoi, oui. Donc Zombie Motors Waking Yard, avec le titre Green, The Green Dare. Voilà, c'est parti, et c'est une pure merveille, je crois. Je pense. We all went down the devil's road, locked with weapon. We all went down to see those girls, you know the ones that play. The big fat man with greaser hands, locked to knock him down. The pussy's flowing hard tonight, but that's good on our hands. So high, dirty, so high. C'était Zombie Motors Waking Year avec le titre Green the Green Day. Franchement, du bon, moi, du lourd. Ça, ouais. C'est, moi, je les vois bien, tu vois, faire la première partie ou même jouer. J'aime pas dire la première partie quand on voit un niveau pareil musical avec nos amis de Strasbourg. Là, Iron Bastard, ouais. Des choses comme ça. C'est vraiment dans le même esprit musical ou à Black Label. Iron Bastard. Ils vont venir, ouais, tu m'avais dit. Ils reviennent dans le secteur près de chez moi en plus. D'accord, ben c'est bien. Ouais. Ou alors un Black Label Society, je vois bien jouer avec un Black Label Society. Oui, ouais. Ben attends, tu vas voir Massive Valsong. Aïe, à mon avis. Ça va pas être triste. Ça va pas être triste. Oh mais, du coup, on fait un petit coucou à Patrice. Ah non, allez, voilà. On fait un petit coucou à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Coucou les amis, c'est bien, vous nous suivez. Et on va s'éclipser. On va s'écouter Eclipse, un groupe que j'affectionne tout particulièrement. Le nouvel album va arriver incessamment sous peu. Et là, on va s'écouter Never Look Back. Et franchement, c'est du lourd comme ils ont toujours pu nous faire, Eclipse. Et on va s'écouter ceci, une petite merveille. Cause it's never ever come. Eclipse avec Never Look Back, et bah c'est bien. Ouais, c'est bien, ça bouge bien aussi. Ça bouge bien, hein, c'est excellent. C'est excellent, voilà. Alors là, on va s'écouter une petite nouveauté. L'album s'appelle The Greeting Well. Le groupe s'appelle tout simplement Overkill. Et on va s'écouter Good Damn. On en parle beaucoup en ce moment. Ouais. Et bah, c'est normal, l'album vient juste d'arriver. Il est tout chaud et tout frais. Il y a une tournée aussi qui est annoncée, donc automatiquement. Voilà. Ça passe pas avec Créateur, non ? Je ne sais pas, il faudrait que je regarde. Créateur, il passe là. Il y a Créateur qui passe, où je demande s'ils ne sont pas prévus sur des festoches. D'accord. Donc je me demande s'il n'est pas. Overkill ne serait pas prévu. Alcatraz, peut-être, il me semble. Il me semble, il faudrait que je regarde. Attends, je vais aller voir ça. Voilà. On vous dira ça après le titre joué. On va s'écouter Good Damn Trouble. C'est de l'Overkill au volant. On va un peu speeder un petit peu jusque la balade crapuleuse. Histoire de bien vous réveiller, ne pas vous laisser vous endormir, hein, les amis. Tout à fait. Voilà. Et Yannick me dit, et j'en profite parce que bon, c'est bien aussi. Hein, si vous avez aussi des anecdotes à nous dire éventuellement sur la musique ou quoi, c'est bien. Par exemple, Yannick nous a dit, ben. Son point de vue, parce que lui, il est fan d'AC/DC. Et j'en profite aussi pour lui faire un petit coup de pub. Il a sa page Facebook, hein, donc sur AC/DC, de Yannick. On mettra le lien, même s'il faut. Et il dit, ben, c'est vrai que Marilyn Manson a fait de très bonnes reprises, ouais. Mais la reprise de Highway to Hell, ben, elle est nulle à chier. Il aurait fallu être pendu à ce moment-là. D'ailleurs, il m'a dit, je t'ai envoyé le lien si tu veux l'écouter. T'étonne pas si tu saignes des oreilles. Voilà, et une autre anecdote aussi, c'est que Phil Painkiller, lui, il a dit, ben, Sweet Dreams, je l'ai passé à mon mariage et j'ai cru que le curé était hors de ses sandales. Il a bu beaucoup de vin de messe car il ne s'en remettait pas. Voilà, ben, c'est bien marrant quand on a des petites anecdotes comme ça. Ça nous fait chaud au cœur, et c'est la preuve que vous nous écoutez. Voilà. Exactement. Allez, Overkill, Good Damn Trouble, c'est tout de suite. C'est maintenant, c'est ici sur RQC 95 FM. Let's go! Voilà, juste à l'instant, c'était Overkill avec le titre Good Damn Trouble. Juste avant de retrouver la balade crapuleuse, on va s'écouter les nouveaux et les tout frais. L'album s'appelle Necrobread. Il s'agit du groupe Benighted avec le titre Reptilien. Benighted que on avait vu donc à l'anniversaire de Loudblast, si tu te souviens, il y a quelques temps. Ah oui, oui. Oui. Voilà, et on va s'écouter donc un extrait de ce nouvel album Reptilien. Après, ce sera la balade crapuleuse, les amis. Voilà, okay. C'est parti. Voilà, donc juste à l'instant, c'était Benighted avec Reptilian. Alors, si vous remarquez que le slasher est en train de se lâcher comme ça, c'est peut-être pas sur Benighted, c'est parce qu'il fait ses recherches pour les hôtels pour le Hellfest, car Rive d'Enfer est accrédité pour le Hellfest. Donc voilà, on fait ses petites recherches déjà pour le logement. Il est peut-être temps de s'y prendre, les amis. Et oui. Alors voilà, il est temps. Je chante aussi, moi, t'as remarqué. Je crois qu'on chante 21h03. Alors là, j'entre au studio. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM avec vous jusque 22h. Scream, Sylval et le slasher. D'ailleurs, moi, je suis un impoli d'abord. Sylval, le slasher et moi-même. Voilà, c'est mieux comme ça. Pour l'émission Rive d'Enfer. Non, ça va, mais c'est dur. Des fois, c'est dur à me suivre. C'est comme ça. Alors, il est temps de passer la balade crapuleuse. C'est un groupe que je voudrais bien voir sur scène, que j'ai pas eu l'occasion de voir sur scène, malheureusement. C'est les Trans-Siberia Orchestra. Oh. Et on va s'écouter Know the Same. L'album s'appelle A Letter from the Labyrinth. On va s'écouter cette petite balade crapuleuse. Et puis après, on se retrouve tout de suite après avec une petite nouveauté. Je vous la montre déjà. C'est une personne qu'on risquerait d'avoir bientôt en phoneur à la radio et peut-être même en showcase ici bientôt. Il faut que je vois avec les personnes. Voilà. Allez, Transsibéria, c'est tout de suite, c'est maintenant. I heard a note in the dark where it slipped into my mind and somehow still remains. Time comes and goes, ebbs and flows, and somehow that single note still rings on and sustains. For I need someone. Not just anyone. For when all is said and done, anyone else is not the same. There was a soul in the dark, and it flies across the night towards a far distant flame. Cross forest and streets, every beat keeps it moving towards a goal it may never obtain. For it needs someone. Not just anyone. Inside and by my whole life it was framed. Some never saw or suspected that it was there, and I all alone knew your name. For we need someone. Just anyone. For when all is said and done, anyone, anyone else is not. Voilà, juste à l'instant. Super balade crapuleuse, c'est ça qu'on appelle les balades crapuleuses. Des fois avec un rien, bah, ça fait avoir la chair de poule du Qatar, du Cantal, si vous préférez aussi. Transsibérian Orchestra avec nos de chair. Alors, non, de sève, pardon. Le prochain qu'on va s'écouter, bah, c'est Claire Lys Von Dash avec le titre Goodbye Control. C'est extrait de son album Moonlight qu'elle nous a envoyé. Le slasher va vous la montrer ici, ou Sylvain. C'est nouveau, c'est tout frais. Et on espère l'avoir incessamment sous peu en interview au Fauneur, bien entendu, car elle nous vient encore de Suisse, encore un groupe de Suisse. Voilà, allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite après avec encore un titre de Sylval. Et oui. Your arms couldn't protect me. Why should I smile? Et ben voilà, c'est une nouveauté et c'est vraiment pas mal non plus. Hein. Donc c'est Claire Lys Van Dash avec Goodbye Control. C'est extrait de son album Moonlight et on espère la voir incessamment sous peu en phoneur à la radio car elle a mérite ouais. aussi et elle cherche à se promouvoir. Il faut savoir aussi qu'avec son groupe, je ne tombe plus exactement sur son nom du groupe qu'elle avait avant, elle a quand même joué pour la première partie de Nightwish et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Alors, et là, c'est un album, bien entendu, qu'elle appelle un album unplug, piano et tout ça, donc c'est des formules un peu plus douces. Maintenant, il est temps de se réveiller et c'est toi. Donc et voilà. Oui. Voilà. Donc, c'est House of Lords, donc c'est un groupe de Los Angeles, formé en 87. Donc c'est un groupe qui est déjà assez vieux. Oui. Par contre, le seul rescapé de la formation, c'est James Christians. D'accord. Donc c'est le chanteur. Ouais. En fin de compte, ils ont eu un arrêt entre deux, et le groupe y a repris en 2000. D'accord. Quand on dit bien rescapé, rassurez-vous, ils ne sont pas morts. Hein. Non, c'est-à-dire qu'on a l'habitude, ça s'est éclaté à droite, à gauche. Tout à fait. Ils ont quand même 12 albums. Quand même. Quand même. Ouais. Voilà. Donc voilà, certainement qu'ils ont eu un burn-out entre deux. Tout à fait. Donc voilà, et le titre c'est Harlequin. Voilà, Harlequin ça tombe bien, en plus c'est la période un petit peu de carnaval, Harlequin, oui, ça... oui. Sans le savoir, on choisit des titres bizarres des fois quand même, mais qui correspondent. Ça, oui. Ça joue avec carnaval. Voilà, allez, et c'est parti. We'll be right back. Voilà donc. Alors c'était House of Lords, oui, avec le titre Harlequin. Voilà, bah c'était très très bon, encore un bon choix. Ça joue bien ça. Hein. Ouais, ça joue bien. Et en plus c'est ce qu'on aime bien. Alors le prochain qu'on va s'écouter, c'est une toute nouveauté aussi, ça s'appelle Osukaru. Osukaru. Le titre de l'album c'est The Labyrinth. Labyrinthe, hein, voilà. C'est pas un film avec David Bowie non plus, mais qui était pas mal non plus dans le genre. Et le titre qu'on va s'écouter c'est The Story We Tell. Vous m'en direz des nouvelles, c'est vraiment, vraiment bien. Avant ça, bah, on a Channel Zero, Uli John Roth et Skid Row qui vont nous donner un petit message. Hi, this is Uli John Roth. You're listening to Rive d'Enfer at 95 FM. Salut, c'est Tino de Channel Zero. Vous écoutez Rive d'Enfer avec le vrai, le grand Scream. Hey, this is Rachel Bohm from Skid Row and you're listening to The Screamer on Rive d'Enfer. Je vous l'avais dit, hein, par contre, que c'était du lourd aussi avec Usuka Rui, avec le titre The Story We Tell. Alors là, si vous entendez encore, c'est le slasher qui fait son animal rampant. Voilà. Voilà. Alors le prochain, bah, c'est la Sylval Song. Et oui, c'est enfin la Sylval Song. Donc, moi, je vais vous présenter un groupe du nord de la France, de Douai et ses environs, on va dire. Donc c'est un groupe que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui sont à leur premier album. Là, ils sont seulement un EP. Et franchement, j'ai reçu une claque en les écoutant en live. Ça, t'as encore marqué Ouais, au Red Studio, je suis encore marqué et tout. Donc. Au Red Studio à Douai. Franchement, je suis vraiment tombée à la renverse de ce groupe. Ils sont bien sympas. Et il mérite, malin, il mérite d'être connu, archi connu. Franchement, j'ai hâte que l'album y sorte. Il sort pour quand ils n'ont pas dit. Pour l'acheter. Mais il sort le mois prochain, il me semble mars-avril. D'accord. Donc là, ils sont le 25 février au Ch'ti Rock Festival. Salle Jacques Brel, rue de la Gaillette, cité 5, à Bar-Lin. Donc B-A-R-L-I. N, c'est dans le 62. Pas Berlin, Bar-Lin. Non, pas Berlin. Vous enlevez Bar-Lin. Le E et vous mettez un A. Bah, de toute façon, je suppose que tu vas mettre peut-être l'affiche sur Rive d'Enfer. Oui. Si je le fais pas, si j'oublie, bah, tu le feras. Ouais, c'est un tremplin Rhemfest en plus. Ah, d'accord. L'entrée, elle est de 7 euros. C'est vrai, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Il y a plusieurs groupes, il n'y a pas que. Il y a plusieurs groupes. Mais je conseille vivement d'aller les voir, c'est Led Blaster. Et vous pouvez prendre leur page Facebook, parce que là, ils font une petite tournée de bar, on va dire, qui est bien sympa. Ça tourne avec les Overdrivers et nos amis Iron Bastard. D'accord. Donc là, je vais pouvoir les voir plusieurs fois. C'est trois groupes sympathiques. Moi, j'avoue, bah, j'aime bien Iron Bastard, j'aime bien aussi les Overdrivers. Ça, j'ai rien à dire sur ces deux groupes. Mais franchement, celui-là, les Head Blaster, bah, c'est vraiment mon truc. C'est la claque, quoi. Ouais, c'est la claque. Il y a un guitariste qui fait du pinch harmonique comme Zakk Wylde. Et puis, ils sont gentils, ils sont accessibles, c'est des petits jeunes. Ils sont accessibles et ils aiment bien parler. Ils sont super sympas. Donc moi, je vous invite vraiment à aller liker leur page et ainsi de suite. Donc c'est Head Blaster et j'ai choisi le titre Cowboys Are Not Dead. Voilà, c'est parti avec la Sylval Song. Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylval Song. C'était mon coup de foudre, c'est les Head Blaster. Et donc le titre c'est Cowboys Are Not Dead. Donc je répète, le 25 février, ils seront en concert pour le Ch'ti Festival. C'est samedi. C'est samedi. Ch'ti Festival à Berlin 62. Mmh. Qui n'est pas Berlin en Allemagne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je m'en vais voir à Berlin ce groupe, mais non, non, non. À on Berlin. Le mettra sur la page Rive d'Enfer. Il y a plusieurs groupes, et franchement, je leur fais de la pub, parce que bon, c'est vrai que moi, c'est mon style de musique. Les Black Label, tout ça, la voix, les guitares, c'est vrai que c'est carrément mon style. Oui. Mais c'est vrai que franchement, j'ai hâte d'avoir cet album, il faut absolument que je l'achète, que je me le procure. Voilà. Et puis même aider ce groupe à fournir son album et compagnie, oui. Parce qu'il leur faut bien de l'argent pour faire cet album et ainsi de suite. Quoi. Tout à fait. Ils doivent avoir de la misère, eux, comme les autres. Oui. Et j'espère même les avoir en studio pour poser plus de questions, d'amples questions. Les questionner, les faire à la sauce, quelle sauce ils vont être mangés. Je ne sais pas, mais c'est clair, puis en profiter peut-être pour acheter le CD et qu'ils viennent un peu avec leur merch CD et t-shirt, parce qu'ils sont très beaux. J'ai présenté la pochette, je me permets en vitesse. Ouais, vas-y. Et moi, je viens de le découvrir, et bien sincèrement, c'est vraiment, vraiment bien foutu. Et aussi, c'est aussi Rive d'Enfer qui... On est là aussi pour aider un peu ces petits groupes, hein, comme je dis. Et là, j'en profite aussi parce que Phil, notre ami qui est animateur sur une autre radio en Belgique, doit sûrement bien avoir apprécié ce titre. Il va me le dire assez sincèrement sous peu. Oui, voilà, comme je disais à ce groupe, il y a toujours moyen. Je sais bien que c'est loin, Douai, Mouscron, Douai, Liège. Je comprends tout à fait. Mm-hmm. Mais il y a toujours moyen de faire un phoneur. Hein. Voilà, tout à fait. Toujours moyen. Il n'y a pas de souci. Douai-Mouscron, une cinquantaine de kilomètres, c'est encore faisable. S'ils travaillent, tu sais, jouer, ils ont des enfants, tout ça, c'est pas toujours évident à gérer. Un fauneur, ça va. Ah oui. Bon, nous, ça nous plaît quand vous venez, c'est sûr. Ah, c'est sûr, parce qu'on peut. Parce que bon, on vous voit en vrai, quoi, en chair et en os. Et en plus, il y a le bar qui est ouvert, tout ça, les consommations sont offertes. Bon, voilà quoi. Et en plus, on peut leur demander de jouer une chanson acoustique. On peut et faire ça, un j'adore. Acoustique aussi. Et ça, j'adore. Tout à fait. Et ça, j'adore. Voilà. Bah, bon choix, Sylvain, de ta Sylvain Song. Bah, je pense, oui. Voilà. Oui. Un bon choix. Je le confirme moi-même. Oui, c'est un bon choix. Voilà. On va s'écouter une nouveauté encore une fois. Bien entendu, là, c'est encore une nouveauté hein, de Sylvain. Là, c'était donc les Head Blaster. Et là, on va s'écouter encore une nouveauté qui s'appelle le Bloodborne. L'album s'appelle War of Dragon. Et on va s'écouter Battle in the Sky. In the valley of the holy, in the dragon's territory, for the kingdom and the glory, setting fire, battle in the sky. Oh. master of the realm has fallen. My sword and my armor is broken, and the dawn of a new era begins. In the dark of the night, when the moon's shining bright, my defender of kings, we bow in sorrow. In the first morning light I call, on the eve of the fight we fall, my defender of kings, we rise to. Une bonne claque quand même, hein. Bloodborne, Battle in the Sky, War of the Dragon. Ah, moi oui. J'aime bien comme ça des envolées comme ça, épiques. Oui. Alors juste avant de retrouver le quatrième titre que tu as choisi, on va s'écouter un autre titre de l'album Beyond the Fight. Le groupe s'appelle Viscera et on va s'écouter In the Night. Ça me fait penser aussi à un autre groupe qui s'appelait à l'époque Autograph. Mais bon, c'est vraiment pas du tout la même chose. On va s'écouter donc Viscera avec In the Night. C'est tout de suite, c'est maintenant. Life can save your mind. Je vous bénis tous. C'était Viscera avec In the Night. Franchement, vraiment bien. Alors, oui, très très bien. Le prochain titre que tu as décidé de jouer. Le prochain titre, ça aussi, c'est un groupe que j'aime vraiment, vraiment bien. Ah. Particulièrement. Donc, c'est Inglorious. Allez. Allez. Alors, Inglorious, c'est une vieille histoire entre nous. Mmh. Inglorious, la première fois que je les ai entendus, c'est chez un disquaire à Courtrai. Oui. Et j'étais en train de fouiller dans mes albums comme d'habitude, et puis j'écoutais ce qui passait. Puis en moi-même, je dis, oh là là, une de ces voix, le gars. Je me demande bien qui est-ce que c'est. Et d'un seul coup, je vais voir mon ami Jacques en disant, écoute, c'est qui est-ce qui chante. Il me dit, c'est un tout nouveau, c'est Inglorious. Mm-hmm. Ah, je dis, écoute, je vais te prendre l'album. Et je l'ai écouté, je l'ai écouté, je l'ai écouté. Et un beau jour, qu'est-ce que tu me dis? Tiens, il y a Inglorious qui vient au Rainfest, et il y a Inglorious au Locker Rainfest. Mm-hmm. Ah, je dis, ça tombe bien, j'ai l'album et tout. Puis j'étais vraiment ravie de les rencontrer. Ça aussi, c'est un groupe très sympathique. Donc, d'origine d'Angleterre. Ils ont un super guitariste qui vient de Suède. Oui. Par contre, il y en a un autre qui est parti. Donc là, ils tournent... Un seul guitariste, alors, pour le moment. Ouais, un seul guitariste. Je pense que ça tourne quand même pour eux, à voir. Il n'y a pas de souci, vu qu'ils sont à leur deuxième album. C'est dommage parce que, notre petit guitariste, c'était sympa, quoi. Mais comme je dis, quand on a une vie de couple, des fois, c'est pas évident. Non, surtout dans leur truc, ils ne gagnent pas des masses. Hein. Et, Inglorious, ils commencent à bien les palper, je pense. Hein. Ils sont déjà au Hellfest, avec le copain Avatar aussi. Ils sont grass pop. Je pense qu'il va avoir une bonne carrière, notre ami Nathan James. Je le sens bien. Nathan James qui a joué aussi avec Transsibérien. Ah ouais, et puis je le sens bien. Voilà. Alors, on va s'écouter le titre, donc. L'album, il n'est pas encore sorti. Donc, c'est Real All About It. J'ai hâte de l'écouter, je te le dis honnêtement. J'ai hâte. Ah oui. T'as hâte d'écouter celui-ci? Ouais, voilà. Ce titre-là, le deuxième album, je ne l'ai pas. Il n'est pas encore sorti. D'après ce que j'ai compris, il sort aussi en avril, mais juste avant les festivals. Hein, c'est... Je pense qu'ils seront aussi à vendre au merch. N'hésitez pas à acheter au merch de l'artiste. Ça va directement à l'artiste. Ça ne va pas dans ses poches. Hein. Mais c'est pour subvenir c'est pour eux, quoi, les souvenirs, au groupe, c'est ça. Ouais. Ok. Allez, c'est parti. We'll be right back. c'était le nouveau Inglorious, donc ils sont à leur deuxième album. Oui. Donc là, c'est le titre Read All About It. Et franchement, j'ai hâte d'acheter le CD. C'est comme le premier, ouais. j'ai hâte d'acheter le deuxième lot. Et CD, le premier CD qui est sorti, à un an d'intervalle. Vas-y, Connor. Et ben, ils nous ont pas déçus. Hein. Non. Ah. Ben, je pense pas qu'ils. Musicalement, moi, il me déçoit pas. Maintenant, moi, je l'aime bien. J'avoue, même le personnage, Nathan James, je l'aime bien. Il y a des gens qui le trouvent très fier, très imbu de sa personne. Faut juste aller lui parler, c'est tout. Mmh. Faut pas oublier qu'il y a un manager aussi. Ouais. Et qu'il faut passer par le manager pour tout ce qui est interview et ainsi de suite. Par contre, lui, il est hyper accessible. Mmh. Et puis, il est super content. Quand on va le voir. Qu'on l'apprécie, quoi. Voilà. Et qu'on lui parle musique et ainsi de suite. C'est surtout ça. Ouais. Bon, moi, c'est plus musicalement. Quand je dis j'ai un coup de foot sur l'album, c'est bien musicalement. Ouais. C'est pas sur la personne, je précise. Voilà. Valérie Sylvain n'est pas une groupie. Voilà. Et oui. Jovie, hein. Voilà. Voilà. Allez, le prochain. Bah, par contre, moi, juste ce que je peux dire, je préfère la pochette du deuxième album que l'artwork de la première. Donc, elle est sur la page Rive d'Enfer. Oui, j'ai pas. Je préfère si l'artwork. C'est les vacances, alors voilà. Vacances, j'oublie tout. Plus rien à faire du tout. Élégance. Allez, Trash Bombs avec Ritual Violence, extrait de l'album Master of Death. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est là, c'est sur RQC. Voilà, voilà, c'est Trash Booms avec Ritual Violence, extrait de l'album donc Master of the Dead. Ben franchement, c'est pas mal. Hein. Là, il est bientôt l'heure de nous quitter, les amis. De se quitter, hein. Mais on va vous laisser avec les Midnight Monkey Radio Show. Voilà. Aujourd'hui, c'est le seul. C'est le seul qui reste accroché à sa branche, le Monkeys. Voilà. Donc, d'ici quelques minutes, vous allez retrouver donc, le Midnight Monkeys Radio Show. Nous, Sylvain, on se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait, lundi prochain, je serai là. Voilà. Le Slasher, normalement aussi. Ça fait plusieurs fois qu'il est là, c'est bien. Oh oui, ça fait quand même. Et moi-même, donc, pour une nouvelle émission Rive d'Enfer. Là, c'est le canari qui vient de siffler. Hein. C'est pas mal, hein. Et on nous dit bonne soirée, bah c'est bien. On remercie tous les gens qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis, qui ont assumé de pouvoir faire des cauchemars en voyant notre tronche comme ça. Oui. Voilà, mais enfin on les remercie, on leur fait un petit coucou, merci, voilà. Ciao les amis, on se retrouve la semaine prochaine et on va se quitter avec pas des traiteurs parce que ça va me donner faim, surtout moi, mais Traitors avec Traitors Gates. L'album s'appelle du même nom, du même acabit, Traitors Gates. Et on va se quitter avec Killing Field. Voilà, sinon si vous sortez, surtout restez prudent. Sortez couverts. Ouais, et si vous sortez, bah, sortez couverts aussi. À 12 ans, c'est bien, ça promet. Bravo, voilà. Paul, bravo. Et on programme tout doucement mais sûrement, les prochaines émissions qui aura lieu pour les festivals, car ça approche assez rapidement quand je vois qu'on est déjà pratiquement à la fin du mois de février. Mm-hmm. Donc on va entamer le troisième mois et dans 4 mois, nous sommes déjà au Hellfest, les amis. Yeah. Non, même pas dans 4 mois, juillet, donc en juin. Donc dans 3 mois, nous sommes au Hellfest. Ça passe très très vite et le Slasher ne se sent déjà plus. Voilà, ben, nous non plus d'ailleurs, de toute façon. Allez, on se quitte avec Traitor's Gate, avec Killing Field. Ciao Sylval. Salut, salut. Ciao le Slasher. Ciao. Ciao les auditeurs. Wow. Ils répondent pas, ils font coucou. C'est le. Voilà, ciao, ciao à tout le monde, les amis. Allez, on se quitte avec Traitors. Ciao. Ciao.